si vous quittez de loin pour venir, ça suppose que vous considérez que la parole du Seigneur est importante. N'est-ce pas? Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Vous allez voir le même lieu. On dit la même chose. Tu vois ça, toi, de l'autre côté. Voilà. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est le verset 20, n'est-ce pas? Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Notez Job chapitre 33. Job chapitre 33. Vous avez noté? Non, on va y aller, on va faire un détour par là. Ah, vous avez c'est plein. Au fur et à mesure que je ne parle pas, je ne vais pas encore venir. Bon, de toute façon, au moins, je vais expliquer ce qui se passe dans tel passage, tel passage, tel passage, d'accord? Maintenant. Verset 21. Elle enfanta, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. D'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24, enfin, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Amen. Amen. Premier volet. Cet enfant s'il va naître. Et l'indication sera donnée à certaines personnes qu'on appelle les mages, qui vont repérer son étoile, et vont venir jusqu'à Jérusalem, et venir au pied d'Hérode et les autres personnalités de Jérusalem, pour demander où est le roi des Juifs. Ils vont naître, ils vont chercher, bouleverser tout Jérusalem, puis ils vont aller vers la direction de l'enfant. Après ce que le roi leur a dit, allez, et prenez bien soin de là où se trouve l'enfant, après venez me dire pour que je puisse aussi l'adorer. Dans son plan, c'était pour tuer l'enfant. Ici, quelqu'un a fait le plan pour se séparer d'une femme parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation non confortable. Comment je vais être avec une femme, je n'ai pas couché avec elle, elle a porté l'enfant avec une autre personne. Il s'est posé des questions. La nuit, l'ange du Seigneur vient dans le songe lui parler. Là, cette personne, après s'être rendue compte de là où l'enfant Jésus était déposé, ils vont vouloir rentrer pour leur dire, chapitre 2 dit rapidement, chapitre 2. Versets 11 et 12. Donc, vous pouvez noter verset 1 à 15, mais notre verset 1 à 12. Le 2, hein? Oui, le chapitre 2. Je pense que tout à l'heure, vous avez noté Matthieu, chapitre 2. Là, 1 et 2. Oui. Parce qu'il dit, je ne vais pas lire pour tout cela. Vous allez expliquer directement dans le verset où on allait aller. Ouais. Il a expliqué ce qui se passe. Ouais. Les mages arrivent, ils demandent à Hérode où est l'enfant, où est le roi des Juifs. Oui. Ils sont suppliés tous Jérusalem. Après, donc là, après qu'ils aillent voir là où l'enfant est déposé. Le verset 11 dit, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Écoutez le verset 17, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Donc ces rois-là, ces mages-là, on leur a demandé, dans le songe, de ne pas prendre ce chemin. Ils ont suivi le chemin. À Joseph, un songe est venu, un ange lui a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dans le songe qu'on lui a dit, on dit, il s'était réveillé, il prit Marie, sa femme. Le chapitre 2 toujours dit, verset 13, le chapitre 2 toujours, lorsqu'il fut sorti, fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Donc, si c'est 4 ans, il doit rester là-bas. 10 ans, il doit rester là-bas. La condition, c'est que l'ange doit encore venir lui parler en songe. Il dit, car Hérode cherchera à tuer le petit enfant pour le faire mourir. Verset 14, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte, conformément à ce qu'il a reçu en songe de cet ange. Oui. Voilà. Maintenant, Verset 19, regardez. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. Verset 21, Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Il pourrait m'arrêter là-bas, il prêche maintenant 4 jours avec ce qu'on a lu là. D'accord. Mais il faut que j'essaie d'arranger la situation pour que vous voyez la chose bien clairement, pour que la peinture soit bien faite. Je vous ai donné Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire versets 14 à 17. Avancez seulement là rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2. Versets 14 à 17. Vous y êtes pour lire. Verset 14 à 17. Pas possible. Alors, l'autre lien, alors, si on ne peut pas. Verset 14. Je t'ai dit que pour vous, c'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, Pierre se présentant avec les 11. C'est ça? Ah non, je ne peux pas aller. Allons-y là, de l'autre côté. Ouais. Toi? Oui. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. Non, c'était jusqu'à 17. Jusqu'à 17, c'est bon. Verset 14 à 17. À 17, vous avez noté. Disons enfin, Job, et puis je déposerai la Bible et je parlerai. Job 33. Dans Job, Job c'est après, avant les psaumes. Je vais le 33. Lisons les versets 14 à 18. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Je vais lire. Si tu avais le psaume, tu rentres derrière doucement. Job 33, verset 14 à 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Moi, je rêve pourquoi. Tout ce qui m'arrive, Dieu me montre dans le sommeil. Je ne sais pas pourquoi. On va prier avant de commencer maintenant. Ah, je rêve. On prie. Père, tu es Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je prie Dieu de gloire que tous ces passages que nous avons lus, que tu nous donnes le contexte et tu nous donnes la bénédiction à la lecture de cette parole. Daigne nous donner ton explication et nous diriger pour ce moment-ci, afin que nous soyons éclairés et sanctifiés au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le plan de Dieu, l'une des manières de diriger les hommes sur la terre et pour leur parler, puisqu'il est esprit, était par les songes. Depuis la Genèse, on voit qu'il parle par des songes. Il a donné le songe à Joseph par rapport à son avenir. Joseph voyait souvent des songes, il voyait des gerbes de fleurs devant avec ses frères. Il voyait, il pouvait interpréter des songes et voir des songes, des choses de l'avenir. Nebuchadnezzar en a eu des songes. Daniel en voyait des songes. Pharaon a vu des songes. David voyait constamment des songes. Le prophète Michée souffler ou recevait des choses dans le songe. Et là, c'est clair que dans la vie du prophète de Job, il est écrit là clairement que quand les hommes sont couchés à leur sommeil, dans leur sommeil, livrés à eux-mêmes, Dieu leur donne les songes pour pouvoir les donner des avertissements, les guider, mettre le son à ses instructions pour détourner l'âme et enlever sa fosse de l'orgueil. Maintenant, la chose qui est écrite dans la Bible est différente avec ce que nous vivons aujourd'hui. Bien plus, on a lu dans Actes des Apôtres, que l'apôtre Pierre s'est tenu debout avec les 11 c'est ici, ce n'est que la 9e heure. Ici, c'est qui accomplit ce que le prophète avait dit. Au dernier jour, dit Dieu, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, en ce jour-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. La réalité maintenant aujourd'hui, c'est que ce que nous avons comme définition de songe ou bien comme chose que nous avons, nous revoyons aujourd'hui. Mais c'est un signe de ce que nous allons développer maintenant. Nous voyons exactement, pour d'autres, ce sont les chats qui... Il y a des femmes qui rêvent que les chats les couchent. D'autres, ce sont des vies. On prend des visages de son mari. Moi, j'avais même rêvé la dernière fois, avant que je ne commence pour tout, j'ai rêvé que le chien venait me coucher. Que le chien venait te coucher. Venait te coucher. Je suis là. Voilà. Est-ce que c'est normal qu'un chien couche avec une autre personne? C'est normal qu'un chien vienne coucher avec une autre personne. J'arrive là maintenant, regardez. Alors, lorsqu'on rêve ces choses, les gens rêvent, tu rêves, d'autres rêvent que ce sont les nager plutôt dans l'eau. D'autres rêvent que les animaux sont là pour suivre. C'est ce que les chrétiens rêvent aujourd'hui. C'est grave encore chez les chrétiens. L'autre rêve que c'est le porc qui l'a poursuivi, parce que c'est là comme ça que c'était fort. L'autre rêve. Une fois même, c'était les serpents, ça m'a bourré. Un gros serpent est venu qui voulait m'avaler. Ma mère venait à peine de mourir. Oui. Une femme est sortie là-bas avec deux matières. Elle a commencé à couper. Je suis réveillé. Comme tu parles des serpents, d'autres rêves encore de serpents. Il y a des styles de serpents dans le sang où quand tu coupes la queue, ça continue à te poursuivre. Il était comme dans la maison, c'est ça, m'a attrapé. Ok. Alors, je vais parler du thème, le signe de la possession. Puisque la Bible déclare que Dieu met ses instructions pour nous diriger, pour délivrer nos vies des fausses. Le signe de la possession. Quand quelqu'un ne rêve pas, c'est un grand problème déjà. Si quelqu'un ne rêve pas, c'est un grand problème. Parce que Dieu dit là que c'est pas à ce moment-là qu'il va diriger les gens. Prenons un exemple et utilisons le cas que nous avons lu tout à l'heure. Si Joseph ne rêvait pas, Il devait pas se séparer de Marie. Non, pas le Joseph d'Égypte. Le Joseph de Marie. S'il ne rêvait pas, il devait se séparer de Marie. Parce que la décision qu'il prenait la nuit là, c'est que le matin là, c'est terminé avec elle. Mais le songe est venu pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Maintenant, si par compassion, il a dit, ok, Marie a dit que ouais, tonton Joseph, je vais aller chez Kino, on va me répudier. Il a accepté. Et que les mages là étaient allés adorer en Égypte, rentrant, dit à Hérode, et que l'ange ne vient pas l'avertir parce qu'il ne rêve pas, on devait tuer l'enfant Jésus. Et si on le tue, on ne serait pas obligé d'aller chercher la Bible. Non. Ce serait terminé comme ça, vrai. Donc les songes sont des moyens de diriger. Comme on a vu là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 28, c'est le cas de l'apôtre Paul qui allait à Rome. On l'avait enchaîné dans le bateau, on l'amenait à Rome. Et puis dans la nuit, alors que le bateau faisait un ange du Seigneur venu dans le songe, je lui dis clairement qu'il était donc tout seul de ce bateau-ci. Rien ne se perdra, sauf les carcasses. Il était confiant malgré que l'eau entrait dans le bateau. Il leur a dit que le Dieu que je sers m'a dit cette nuit, c'est par un de ses anges, que rien ne se perdra. C'est pour ça que chacun reste sur le bateau. Dieu est sorti du ciel, a envoyé son ange, venu vers un prisonnier qui a les chaînes sur lui, lui donner le message du ciel sans le délivrer de la chaîne physique. Mais le pasteur aujourd'hui dit qu'on ne peut pas lui mettre en prison, mais la main dans la poche. Mais il dit bien, l'ange est venu dire à l'apôtre Paul la nuit. Cet même ange est venu quand l'apôtre Pierre était en prison. Il a regardé comme ça, les chaînes sont tombées. Il regardait les grilles s'ouvrir. Mais là-bas, la chaîne était seulement de l'apôtre Pierre Paul. Il lui a pardonné le message du ciel, rentrant au ciel sans le délivrer de sa chaîne. Il pouvait le faire disparaître du bateau. L'enlever là-bas de toutes ces personnes. Pour montrer que même dans les tribulations, il est Seigneur. Alors je vais parler donc, avant qu'on ait prié, du signe de la possession. Lorsque nous voyons ici, nous voyons effectivement que les gens de la Bible qui rêvaient les rêves qui conduisent à orienter l'œuvre de Dieu sur la terre, ceci c'était le signe de la bonne connexion avec le ciel. Aujourd'hui, les chrétiens, entre guillemets, par les activités que nous avons et par surtout notre souche d'où nous provenons, les choses que nous avons causées comme dégâts dans notre vie passée, les dégâts sexuels, les dégâts de nos comportements, les dégâts familiaux, les dégâts coutumiers, tous ces dégâts que nous avons commis. Avant de venir à Jésus avec la bouche, en confessant, Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Je suis maintenant dans l'église. Ces dégâts-là, non réparés, non délivrés, cause plus tard sont les fils et les tentacules de Satan pour pouvoir nous attraper plus tard. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet qu'il y ait des songes comme ça pour te montrer que tu as un problème d'ordre spirituel. C'est pour ça que les chrétiens rêvent que les chiens les couchent, que le chat les poursuit, que le serpent les poursuit. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce que nous devons avoir, c'est ceci. Nous nous tenons à genoux, nous prions. Dieu te montre une ville où il doit avoir attentat. Tu dis, ah, telle ville va avoir attentat à tel endroit. Prions pour cette ville. Voilà la direction de se passer des bons rêves quand on est connecté. C'est parce qu'il a dit, quand il va déverser son esprit sur tout chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Et vos vieillards auront des visions. Donc, cette vision-là, c'est pour équiper l'église. Dans 1 Corinthiens 12 que je vous ai donné, il a dit qu'à l'un est donné par l'esprit ces choses-ci. Par l'autre, c'est ceci. Par l'autre, c'est ceci. On dit pour l'édification. Un seul et même esprit, donc c'est là. Maintenant, le pasteur rêve comme les francs-maçons l'ont arrêté. L'ancien rêve comme il était en train de boire. La diaconesse rêve comme l'autre il la draguait. Le hoche rêve comme il couchait avec le petit fils. C'est quel style d'église qu'on a? Non, mais c'est pas une église, ça. Vous voyez, là on en est. Il faut les dons spirituels à l'église pour diriger l'église. Sans ça, c'est que les ténèbres se trouvent en pleine église. Mais il y en a beaucoup de ténèbres dans les églises. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, vous et moi? Il faut prier. Il faut prier. Les frères, vous comprenez, non? Les frères, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit nous dit ce matin que si vous expérimentez ces styles de choses, couche de nuit, nourriture nocturne, tu voles dans les airs, tu nages dans les eaux, tu travailles de pont, tu as peur de traverser parce que tu vas tomber dans l'eau, tu dors sur le lit, c'est comme si tu veux tomber dans une grande hauteur. Tu rêves, tout ce que tu cites, la main, j'ai fait. Tout. Tu rêves tout ça. Tout. D'autres mondes, il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas rêvé là. Tu montes, quand tu montes sur le montagne, tu grimpes, tu vas arriver en haut. Heureusement que dans mes prières, je suis toujours en train de prier. Quand ça me dépasse, je commence à prier dans mes rêves. C'est ce qui m'a toujours sauvé. Alors, si quelqu'un expérimente ceci, c'est le signe que le Saint-Esprit nous dit, tu as besoin de la délivrance. Il y a d'autres personnes qui rêvent, qui sont transformées en animal. Il y a d'autres personnes qui rêvent, qu'elles se transforment en animal. Et elle se lève, c'est une chrétienne. Elle a la Bible, elle dit la Bible. D'autres encore font même l'amour avec les arbres dans le sommeil. Des choses inimaginables. Parce que d'autres personnes, beaucoup de couches de nuit quand même. D'autres personnes ont des songes au point où, quand elles restent comme ça, elles ne peuvent pas raconter à quelqu'un. Parce que son songe, on ne peut pas percevoir. C'est-à-dire que dans le cadre humain, personne ne peut comprendre cette personne. C'est le style de songe-ci qui laisse la personne sans voix. Ce sont déjà des choses qui peuvent amener la personne dans la dépression. Parce que personne ne peut expliquer. Et par l'aide de la personne vit des réalités qu'elle ne peut pas expliquer à quelqu'un. À l'heure où les gens nous écoutent là maintenant, il y a des gens qui vivent des choses surnaturelles qu'ils ne peuvent pas expliquer parce qu'il n'y a personne pour leur apporter la solution. Alors la personne a son monde à l'intérieur. C'est débat à l'intérieur. Combat à l'intérieur. Quand c'est comme ça, je parle, je m'arrête. Même quand j'écoute. Non, je préfère parler. Ah oui, je parle. Alors, je ne vais pas mourir à l'intérieur parce que d'abord, ce pays-ci, d'abord, si tu laisses tout à l'intérieur. Tu vas exploser. Nous vivons en Europe, mais personne n'est normal en Europe. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité, parce que d'abord, la société, d'abord, c'est pas... Donc, si on garde encore tout à l'intérieur, c'est que tu veux mourir. Moi, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas péter les plombs. Donc, quand c'est comme ça, je m'en vais à l'église, même si je n'ai pas n'importe. Moi, je fais comme ça que je fais ma thérapie. La dernière fois, la première fois que j'ai eu des problèmes avec mon mari, je l'ai d'abord appelé, il m'a parlé. Après, je me suis arrêté en route. J'ai cherché l'église, j'ai vu un pasteur, je lui ai dit. Non, mais c'est comme ça que j'ai fait. Pourquoi tu parles de décharger? Je me suis déchargé, je lui ai dit, il m'a dit, ma fille, comme ça. Il a dit ce qu'il a pu me dire. Mais franchement, je ne le dis pas parce que le frère est assis à côté. C'est la première fois qu'on explique autant de choses en détail. Et je crois que cette fois-ci, je vais comprendre. Parce que les gens te disent souvent, on te dit les trucs, mais c'est à l'air où on ne t'amène pas à l'esprit de comprendre ce qu'on est en train de te dire. Mais je crois que nous sommes comme les enfants. Donc tout le monde a besoin qu'on l'amène doucement et à comprendre certaines choses. En temps normal, quand mon mari m'a envoyé le message le matin, je devais lui répondre à 5. Ça c'est sûr. Non, mais c'est ce que j'ai appris hier. Qui m'a fait que je lui ai dit, je suis désolé, c'était l'ignorance. Et c'est vrai que c'était l'ignorance. Je ne savais pas que je... Et en plus, quand je lui ai dit ça, j'ai compris que tout s'est calmé. En temps normal, mais je devais lui dire, mais tu te prends même bougie. C'est toi qui fais les mauvaises choses, je vais te sauver. Non, mais c'est vrai. Donc le message dit était bienvenu, n'est-ce pas? La soumission de la femme. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, et je crois que ça... Nous osons croire que l'autre a aussi dit à son mari... bon, tout à l'heure, on va voir. Mais pour le moment, on avance, d'accord? On avance. Je vais dire quelque chose maintenant qui risque d'être une déclaration différente de ce que je t'en ai dit maintenant. En dehors de nous, se tient quelqu'un dans cette maison-ci maintenant invisible. En dehors de nous, se tient quelqu'un ici, celui qui fait l'œuvre, se tient au milieu de nous. Parce que ce n'est pas par notre propre capacité que nous faisons n'importe quoi. Nous n'avons pas aucune puissance par nous-mêmes. Celui qui a fait ces choses-ci a déclaré que ça, chaque fois que nous serons là, nous évoquerons son nom, il sera au milieu de nous. Donc quelqu'un d'invisible se trouve avec nous maintenant. Amen. Alors s'il y a quelque chose d'invisible au milieu de nous qui ne se trouve pas conforme à lui, lui, il doit devoir le chasser. Amen. Lorsqu'il était ici physiquement, il est entré dans le temple, il a vu des choses qui sont anormales dans le temple, il les a chassées. Et là, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, s'il se trouve des choses anormales dans notre corps, qui est son temple, il doit devoir les mettre dehors. Sans cette délivrance, on ne peut pas continuer avec le Seigneur. On tournera en rond. Il faut donner la délivrance à quiconque expérimente ces choses qu'appelait ces sons, ces songes-ci. Nous sommes d'accord? Éteignez le téléphone, donc on va prier. Donc maintenant, il va devoir entrer en action maintenant. D'accord, ma chère? Tiens-toi debout donc. Peut-être que passer le moment de. C'est pas toi qui prie, c'est nous qui prions. Nous sommes ensemble. Tu vas nous aider dans la prière, n'est-ce pas? Tu n'as pas aidé à régler. Donc tu n'as plus de problème. La fille de Neuchâtel. Donc le Seigneur. Assise sur le trône. Oui, le Seigneur est passé. Le Seigneur est passé par Neuchâtel, nettoyé. Ouais, ouais. Il se trouve à Genève, il va nettoyer. Où est-ce qu'il va encore nous conduire? Parle de qui? Oui. Il avait ça. Et c'est sûr qu'il a assis dans la voiture. Mais c'est parce qu'il va voyager, il va chercher son téléphone. Soit tu t'assois par là-bas. Bon, il n'y a pas de. Prends le chargeur. Non, je cherche particulièrement le c'est pas la banque que je voulais. Tu peux épuiser son crédit, sa connexion, quoi. Oh, ma chère, on va prier. Mais tu peux prendre la connexion, là, à la maison. Non, il y a, si, j'ai déjà pris. Non, enfin, c'est pour sa batterie, c'est ça? Ouais. Si mon chargeur est là-bas, mais pour le soleil, je suis obligée de le faire ici. Ok, non, je vais donner le temps de changer. Tiens-toi debout parce que tu vas m'aider à appliquer pour ta soeur. Bien sûr. Oui, je suis debout. Tu as tout pardonné, il n'y n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu as tout planifié. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Destiné. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la délivrance que tu as accordée et que tu accordes en ce lieu. Merci parce que tu exauces à nos prières, Père. Merci parce que tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci parce que là où les ténèbres avaient dominé dans les vies, tu as décidé que, et décrété qu'en ce moment, c'est à lui la délivrance. Merci pour ta puissance, merci pour ta magnificence. Merci pour ta grâce et ta bienveillance, ta faveur dans la vie de cette femme que tu délivres maintenant. Merci Dieu de gloire parce que sa vie ne sera plus même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Après ce qui va se passer maintenant, il va falloir que toi et moi on cause au niveau de la repentance. Parce que pendant qu'on a des chanteurs, quand tu me parles, qu'il va falloir qu'on je te parle de la repentance. Donc il y a des choses, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie dans la famille, mais il y a des choses, des pratiques elles-mêmes. Dans lequel tu as été impliqué, et puis il y a besoin de repentance dans cette situation d'esprit. J'ai dit, ouais, c'est vrai que j'ai fait le petit. Ok. Donc on va en parler, d'accord? Ça, c'est après la délivrance. D'accord? Tu es d'accord? Ok. Maintenant, je vais prier. Toi, tu restes tranquille. C'est moi qui prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui venait dans ta vie. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance des ténèbres qui régnait dans sa vie, qui contrôlait sa vie et qui venait coucher particulièrement avec elle pour détruire sa vie. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter cette femme. Maintenant. Sors d'elle maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissant des ténèbres, son corps ne t'appartient pas. Je marche au devant de toi maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de quitter sa vie maintenant. Maintenant. Elle ne t'appartient pas. Tu l'as assez trimballé comme ça. Aujourd'hui, c'est le décret pour que tu quittes sa vie définitivement. Tu quittes sa vie. Tout ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que tu lâches ce corps maintenant. Maintenant. Quitte-la maintenant. Elle ne t'appartient pas. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est entre vous et moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce corps sera libre maintenant et servira Jésus-Christ pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas rester dans cette présence-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous quittez son bas-ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Toi, esprit malin. Tes œuvres sont mauvaises dans sa vie. Je t'ordonne maintenant de quitter. Quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Maintenant. Allez, c'est terminé. Terminé. Hey! quitté sa vie maintenant. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des poisons là-dedans. C'est pas croyable ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de sa vie. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de sa vie. Tu lâches cette fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie, quitte ce corps. Elle ne t'appartient pas. Lâche-la. Elle ne s'est pas mariée à toi. Tout ce que tu as programmé, fais dans sa vie. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors maintenant. Sors. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors. Au nom de Jésus de Nazareth, sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui régnait dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, je commande maintenant de sortir. Je commande de sortir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres, vous êtes nombreux. Je vous ordonne de sortir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ventre là est rempli de poison. Rempli de poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, excellent, relève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, il y a le poison ici. Cette zone, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Sors! Sors! Ça, c'est les choses qu'on mange dans les rêves. Si, si. Ça, c'est le poison. Avec ça, elle ne peut jamais être stable. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça doit monter. Ça doit retourner dans le plan. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Son corps ne t'appartient pas. Je t'ordonne au nom de Jésus Christ de lâcher son corps. Lâche son corps. son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Tu vas m'aider à prier, d'accord? Tiens-toi là. Là, mets-la dedans. Tu la soutiens bien, d'accord? Mets la main tout juste en dessous de ce sein là. Ta main, voilà, c'est bon. Et l'autre derrière. Je vais prier au travers de toi, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que vous sortiez de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur, tu ne peux pas résister à cette présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors maintenant. Allez. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Sors-le. Sors-le. Sors-le. Sors-le. Sors-le. Sors-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Son corps n'est pas le boulevard de votre existence. Ce n'est pas ton quartier général. Je t'ordonne toi puissant des ténèbres. Je t'ordonne toi puissant, c'est le chef commanditaire. Toi puissant des ténèbres, toi esprit impur, je t'ordonne de sortir de cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes poisons, je t'ordonne maintenant de sortir tout ce que tu as mis dans son ventre. Allez, sors. Sors-moi tout. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Allez, vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors. Tu sors. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je te commande de lâcher. Sors de son ventre. Sors tous tes poisons. Tous tes poisons. Maintenant. Si tu es là bien. Maintenant. Ça va monter. Ça va monter. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Toi, esprit impur. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Il y a un petit serpent qui était rentré en elle. Ça a grandi. Ça a grandi. Ça a grandi. Maintenant, ça parcourt partout là dans son corps. Maintenant, sors. Sors. Sors d'elle maintenant. Toi, esprit de serpent qui souciait son sang. Toi, esprit de serpent qui souciait son sang. Je te donne maintenant de la lâcher. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche ton ventre, lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Sors! Ta place n'est plus dans son corps. Ta place n'est plus dans son corps. Tu vomis toutes tes substances. Toute ta maladie que tu as déposée dans son ventre. Tous tes poisons que tu as mis dans son ventre. Maintenant, sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit des ténèbres, ta place n'est pas dans sa vie. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Je t'ordonne de la lâcher. Je t'ordonne de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est invoqué sur toi. Tu ne peux pas résister. Et tu ne dois plus habiter dans son corps, quel que soit ce qu'elle a fait. Je t'ordonne, tu ne dois plus habiter son corps. Tu ne dois plus habiter son corps. Elle ne t'appartient pas et ne t'appartiendra jamais. Elle a choisi Jésus et tu dois la libérer maintenant. Allez, libère-la maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Sors. Sors. Libère-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors avec tes poisons. Tu sors avec tes poisons. Tu sors avec tes poisons. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Quitte ses reins maintenant. Quitte ses reins et son ventre. Quitte ses reins et son ventre. Quitte ses reins et son ventre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ses reins et son ventre. Maintenant, tu sors. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors maintenant, tu sors maintenant des reins. Allez, quitte ses reins et son ventre, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son corps appartient au Seigneur Jésus. Son corps appartient au Seigneur Jésus, sors maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta faim. C'est affaire, sors-le maintenant, sors-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors-le. Sors-le. Sors-le. Sors-le. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de son ventre. Tu sors de son ventre, maintenant, exactement là où il est, ma soeur, merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes son ventre. Tu quittes son ventre. Son ventre n'est pas ton carrefour. Ton ventre n'est pas ton carrefour. Tu lâches son ventre maintenant. Tu lâches son ventre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ce qui marche dans tes mains? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre maintenant. Quitte son ventre. Allez, c'est parti. Quitte son ventre. Quitte son ventre. quitte son ventre. Observe maintenant. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu as perdu la bataille. Tu as perdu la bataille. Je t'ordonne de quitter son ventre maintenant. Je t'ordonne de quitter son ventre maintenant. Je t'ordonne de quitter son ventre maintenant. Tu ne dois plus habiter. Tu as perdu. Sors! Allez. Tu as perdu la bataille. Sors! Sors! Tu as perdu la bataille. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Terminé. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste juste comme ça. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes pieds, depuis la plante des pieds, jusqu'à tes rejets. Je te commande de lâcher. Je te commande de lâcher maintenant. Je te commande de lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Tu sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Toi, démon. Toi, esprit impur, ta place n'est pas dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as assez manipulé sa vie comme ça. Tu as assez manipulé sa vie, c'est ta fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tu verras bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Il faut que cette chose soit vomie, ça. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Allez, sors maintenant de son ventre. Oh, sors, sors, sors, sors, sors, sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Maintenant, maintenant. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, allez, allez. Allez. Sors. Vomis-moi ça. Allez, allez. Dehors. Dehors. Mets ta main maintenant sur ton ventre. Voilà, merci beaucoup. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis-moi ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne manipuleras plus ses rêves. Tu ne manipuleras plus sa vie spirituelle. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, c'est de la fin. Sors! Donc sois vigilant, parce que ce qui est arrivé en ce moment, c'est fort là. Mm-hmm. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle doit être libérée aujourd'hui. C'est son jour. Sors! Sors! Sors! Sors!

au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton corps, je soumets tout ton corps sous sa puissance. Aucun lieu d'habitation pour vous encore dans son corps. Si tout est fini, d'accord? Ne crains pas n'importe quoi qui pourra venir dans ton corps. C'est pas contre toi que j'ai quelque chose, d'accord? C'est n'importe quoi dans ton corps, on la touche, d'accord?

Grâce à son venu. Comment ma soeur se sent? Fatiguée. Allonge-toi donc doucement. Mon ami Thierry, viens alors. Ok, tu vas me saluer. Je suis la rage de la dame. D'accord. Comment on a fini de pleurer? Bonjour. Il a refusé de me saluer. Tu ne salues pas? J'ai dit mon ami Thierry, il a comme ça. Je n'aime pas Genève. Bonne arrivée, merci. Dis-moi alors, tu m'en as dit non? Bien. Ça va? C'est mon bébé, n'est-ce pas? Hier, on était ici ensemble, non? Tu as dormi une fois là. Tu aimes Genève? Mais tu n'as pas changé? C'est mon ami, d'accord? D'accord? On va prier, tout va changer, d'accord? D'accord? Il n'y a pas longtemps, elle a eu une urgence. Il revient. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, d'accord? On va prier, tout va aller. D'accord? Là, on va attention là. Ah, c'est mon autre fils. Donc tu as beaucoup de fils comme ça. Viens la mère. Vous êtes bienvenue. Vous êtes venu quand on a fini de prier là. Ça faisait un petit moment quand même que j'étais devant la porte. Oh là là. Non, j'ai dit, j'ai sonné un peu après, j'ai pas insisté. Ah, on a entendu. Mais vous nous entendiez. Oui, oui. Donc c'est pour cela que j'ai dit non. Mais c'est vraiment qu'on devant seulement les voisins en ce. Non, devant la porte. Non, ça ne dérange pas. Ici, on peut faire le bruit. Non, non, la 22 ans en Suisse, il n'y a pas de problème. Ok. Non, si c'est d'autres personnes qui passent, ils vont dire qu'ils sont en train de discuter, mais oui. Moi, j'ai senti que c'était... Ok. Comment vous avez dormi? Bien. Et quoi qu'on va encore avoir des bons moments aujourd'hui, non? C'est des très bons moments. Mm. Racontez alors. Vous êtes fâché de moi hier? Pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, ça a éclairci. On avait des amis. J'avais des interrogations. Et puis, Il y avait des éclaircissements. Mm-hmm. Mais il y a un verset 15 dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens qu'on a lu hier. Tu as dit Amen. Oui, mais après explication. Tu as retiré ton Amen. Bon, arrivé à la maison, j'ai revu encore tout ce qu'on a vu. Il faut t'allonger. Non, c'est bon, ça c'est détaché. C'est bon, oui, c'est bon. D'accord. D'abord, tu te sens au niveau de l'intérieur. Elle aura l'impression d'être passée à une opération. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Hein. C'est l'opération chirurgicale, justement, comme elle dit, qui a laissé passer à l'intérieur de toi. Depuis 2 semaines, oui. Ça se passe comme ça. Voilà. J'avais mal au dos. Même ce matin, j'ai eu extrêmement mal au dos. Oui. Ce matin. Avant d'arriver. Et quand je suis arrivée, c'est arrêté. Oui. Quand on a commencé à prier. Ça a repris. C'est bon. Yes. Comme le diable savait déjà que nous, vous soulevez, il avait la coupe ici. Tu peux pas penser à ça. C'est depuis un mois, il y a 3 pasteurs qui m'ont cuit. J'ai eu 3. Ah ouais. Du père et du fils, c'est du Saint-Esprit, c'est pas seulement. J'ai eu 3. Non, mais c'est vrai. Quand je venais la dernière fois, quand je venais parce que j'ai pris le covoiturage, et la dame qui avait le covoiturage, c'était une blanche, elle ne voulait pas me prendre. Et moi, je te jure, mais quand le diable veut te bousculer, c'est quelque chose de mal. Je n'arrivais pas à Genève. Il me dit, j'avais juste une petite valise. Il me dit, ah, ton bagage, il est grand, machin. Je lui dis, mais quand on dit covoiturage, le petit bagage, ça fait 4 ans que je prends le covoiturage, le petit bagage, c'est le bagage quand on rentre en cabine, dans l'avion avec. Oh non, non, non, mais comme ça, vous ne rentrez pas avec moi. Je suis restée tranquille, maman. Elle m'a dit, non, je ne vous prends pas. Non, je dis, ce que je m'en fais à Genève est très, très important. Il faut que j'aille à Genève. Ah non, non, non, non, je ne vous prends pas. Je dis, bon, d'accord. Je reste tranquille. Après, je commence à te dire, s'il te plaît. Après, je dis à son mari, parlez à votre femme. La dame qui est arrivée venait à une prière. Il y a un monsieur qui revenait de Paris et qui venait faire une délivrance. Dès qu'elle est arrivée, après le monsieur me dit, oui, vous avez porté votre bagage, je suis votre fille. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, dès que la femme est arrivée, j'ai dit, gloire à Dieu. Elle a tellement amené un sourire qui a illuminé. Elle avait un sourire. Moi aussi, je me suis mise à rire. Après, j'ai dit, gloire à Dieu. Elle me dit, vous croyez en Dieu, oui. Eh, j'ai encore l'invitation, madame, mon téléphone. Je vous invite. Et elle, je suis partie là-bas. Avec mon neveu, il est parti là-bas à la délivrance. C'est lui qui était le deuxième pasteur. Et là, c'est le troisième. C'est le troisième. Parce que celui du Cameroun, il a prié. Il m'a fait aussi le truc. Mais je sentais, mais ce n'était pas ça. C'était loin. Et celui-là, il a prié. Il m'a dit, tu dois servir Dieu. Il a prié, mais ce n'était pas ça. Mais ils ont préparé le terrain. Oui, c'est ça. On ne prie pas sans direction. On doit prier en sachant que c'est contre quoi on prie, d'accord? Moi, je crois qu'ils ont préparé le terrain parce que celui du Cameroun, c'est le jour où j'ai rêvé que le chien venait me coucher. Je l'ai appelé. Il a fait le sel venir, il a mis dans l'eau. J'ai bu et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mal au dos. Et quand c'est le lendemain que je venais à Genève, j'ai croisé la dame. Et quand j'avais déjà préparé que je viens, c'est là où Jean-Marie m'appelle et me dit, il y a mon frère qui arrive, le cœur en train de me dire, si je ne te dis pas, Dieu ne sera pas content, il faut que tu viennes. J'ai dit, mais moi je suis en train de me préparer pour venir à Genève, me dire, ma gloire à Dieu. Et c'est vrai que je venais à Genève, c'était pas pour ça, hein. Je venais à Genève juste parce que comme il y avait trop de problèmes, je voulais prendre du recul, je me suis dit, non, il faut que je vienne, quoi, parce qu'il y a trop de problèmes dans mon foyer, donc il faut que je vienne. Et quand je venais, j'ai tout pris mes choses, je les ai tout rangées dans les armoires et dans les valises. Tu rentres dans la maison, tu ne sais pas qu'il y a une femme là-dedans parce que tu ouvres les armoires. J'ai tout rangé parce que dans ma tête, c'est que je ne partais pas là-bas. Donc après, on va causer, n'est-ce pas? Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, n'est-ce pas? Bon, je suis à votre service maintenant, c'est votre tour. On va encore l'embrasser. Tu es bienvenue à Genève. Donc nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Malgré qu'il y ait des difficultés dans l'esprit, on lutte quand même pour servir, pour chercher le Seigneur. C'est mon ami ici. Toi et moi tout à l'heure. Des fois, je ne peux pas arrêter le téléphone parce qu'il est sur liste d'attente. Des fois, on m'appelle à n'importe quel moment. À quel moment? Des fois. Je sais que j'ai entendu un hier. Ton téléphone à toi. Donc vous allez vous le... On va causer d'abord, on prie aussi, et puis on attend les autres avant de partager maintenant. S'il faut que la sœur arrive et nous dit, si elle a dit mon Seigneur. Moi j'ai dit maître hier, hein, j'ai oublié. Tu as oublié? Non, j'ai oublié de te dire que quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il m'appelait deux fois. Oui. Après, je crois qu'il dormait parce qu'il devait travailler 1h du matin. Et j'ai envoyé le message. J'ai dit, oui maître. Il n'a pas répondu sur moi, qu'est-ce que tu crées? Non, tu as arrêté le destinataire. De ce matin, quand il m'a bombardé, j'ai dit, c'est l'ignorance, je m'excuse. C'est ce que j'ai conjugué toute la journée, il a dit comme ça. En temps normal, tu ne réagirais pas comme ça. Ah non, mais j'ai dit que le gars, il a dû le conjuguer là où, comme je le connais, il a dit que celle-là, il va encore me prendre dans sa tête. C'est le meilleur dans ma vie pour m'éliminer. Non, mais je sais comment il réagit, lui. Donc, je suis sûr qu'il a été éduqué. On va voir ça dans deux jours. Il va péter les plombs. Mais il va avoir un mois, deux mois, trois mois. Ton ami dit qu'à 20h, il doit être parti parce que demain, il est connu. Dis-moi, tu me dis, je ne vais pas rester là. Mais c'est mon ami là-bas. Parlons donc de lui. qu'on parle de lui. Vous voulez qu'on soit là ou bien c'est... Non, pas de lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, on fait le conversation sur son nom. Prenons la Bible, disons que je parle de lui. Sauf si on transfère par ordinateur. Ça va être ça, ça peut être aussi. Dans le CNG. Bon, il n'y a pas de problème. Tu vas se mettre dans son état tout le monde quand tu as la clé, tu prends ici. Vous êtes Jean chapitre 5. Parce que je voudrais manger ça à mon mari. C'est pour lui, parce qu'il faut que l'histoire rachète aussi. Oui. Lui, il a besoin de délivrance. Oui, c'est ce que je veux dire, pourquoi je dois vous montrer ça. Il a besoin de délivrance, il y a certaines choses qu'il doit arrêter d'abord, rester tranquille. Mais quoi, il va falloir que tu lui dises ce que je dis, c'est pas qu'il soit de parler devant tout le monde. Mais il faut dire à, son frère... Il va venir tout à l'heure, là, qu'on va voir les deux. Je vais lui demander de répéter ce qu'il t'a dit, que tu lui dises, que tu lui dises à lui. Bien sûr. Il dit, quand il sera là, oui. je vais te demander de lui dire ce que je t'ai dit par rapport à ton mari. Oui. Parce que... Il lui faut qu'il soit un, deux, et qu'il faut qu'il y ait des choses qu'il doit arrêter. Il veut spécifier cela. Je sais. D'accord, mais avant, ça va arriver d'abord te parler. Déjà... Je crois que c'est mieux qu'on fasse passer connaissance d'abord avant qu'on aille plus en profondeur. Oui, je sais. On y va, vous êtes prêts? Jean 5. Toi, tu diras, Jean 5. Chapitre 5. Oui. Notez aussi le chapitre 9 de Jean. Oui, je dirais, bon, tu coupes seulement. On va lire. Alors, dans ce Jean chapitre 5, c'est l'histoire de la piscine de Bethesda. Si vous avez Jean 5. Jean 5 et Jean 9. Et puis notez aussi Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25. Vous avez noté? Matthieu 4, verset 23 à 25. Et Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Marc, hein? Oui. On va lire tous ces passages. Marc 5, chapitre 16. Marc 16, verset 16 à 18. Voilà. Si vous lisez la Bible constamment, je vais vous raconter tout ce qui passe dans ces passages que j'ai donné. On va lire là et puis ça vous concerne. Le truc là, ça veut pas que je te lis. Je lis la Bible ici. C'est comment? Lise, non, non, il faut éteindre, il faut redémarrer. Non, si tu éteins, si c'est là. Parfois quand c'est déjà gros comme ça, tu éteins, ça ne prend pas. Il faut taper, ça revient. On va faire tout le temps. On y va. Dans Jean au chapitre 5, il est question de la piscine de Bethesda. Si vous lisez très attentivement, vous allez remarquer qu'il y a un paramétrique. Lisons donc, quelqu'un peut-il lire? Merci. Verset 1. On va lire verset 1 jusqu'au verset 14. Après cela, il y a une fête. Il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Oui. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Oui. Quelle que fût sa maladie. Oui. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Stop, d'abord. Cet homme était malade depuis 38 ans. C'est, vous avez vu ça? On dit là s'est couché un homme malade depuis 38 ans. La Bible déclare Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis, lui dit, veux-tu être guéri? Entendez que c'est quel genre de question que poser à un malade? Et dans ce cas, il fallait quoi là-bas? S'il ne veut pas être guéri, quel est le malade qui est couché à l'été et qui ne souhaiterait pas être guéri? Il dit, veux-tu être guéri? Le monsieur lui répond soit par oui, soit par non. Il va commencer à dire, maître, lorsqu'il veut descendre dans l'eau, lorsque l'eau est agitée, avant qu'il descende, un autre descende plus avant moi. Ce n'est pas la question qu'on lui a posée. On lui a posé la question, veux-tu être guéri? Or, l'auteur de la guérison se tenait devant lui, parlant avec lui. L'auteur de la guérison se tenait en face devant lui. Mais son cœur était là où la majorité prenait la guérison. Il dit bien l'auteur de la guérison qui envoie son ange secouer l'eau. La lumière était au milieu comme ça. On dit là c'est couché le nombre de malades en grand nombre, des paralytiques, des estropiés, des aveugles. Donc tout était là. La Bible déclare que la condition pour être guéri là, c'est que lorsque le mouvement de l'eau était fait par l'ange, l'ange descendait, quand elle secouait l'eau, la première personne qui entrait dans l'eau, la condition c'est première personne. Quelle que fût ta maladie, dès que tu entres dans l'eau, en fait, il plonge dans le prum. La preuve que c'est toi qui es guéri, que c'est toi le premier à entrer dans l'eau, c'est que quand tu sors, c'est toi qui as la guérison. Là-bas, il n'y a pas de trucage. On ne donne pas, on ne monnaie pas pour être premier. Lorsque tu entres dans l'eau, bro, et chacun était là pour sa guérison. Parce que Dieu ne donnait pas que c'est après chaque 2 minutes que l'ange vient. Après 1 heure que l'ange vient. Il peut faire prum. Vous faites 3 semaines, il ne vient pas. Il faudra être seulement vigilant. Être prêt à tout moment. Si l'eau fait brrr, chacun se balance. Mais là, je pose la question. Au moins, celui qui est aveugle, en force de 2 pieds, il peut courir dans la direction de l'eau, il entre. Mais celui-ci qui est paralytique et qui est alité, comment peut-il faire pour entrer dans l'eau? Il va falloir que tous les malades guérissent là-bas et que le dernier mouvement de l'ange, il puisse faire comme ça. Et puis, entre. Parce que si tout le monde saute dans l'eau, il ne sautera jamais dans l'eau. Depuis 38 ans, il est alité. Peut-être sa famille l'a porté, venir déposer là-bas. Si quelqu'un a pitié de lui et qui peut aimer sa guérison plus que lui, il peut être jeté dans l'eau. Mais personne n'était prêt à céder sa guérison à l'autre. Parce qu'on ne sait jamais si l'ange va faire brûler dans 4 ans. Vous voyez cela? Mais lui, il était malade depuis 38 ans. Mais je vais dire encore un autre aspect. Tous là-bas étaient des juifs. Tous étaient des juifs. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était dans la souffrance. Dieu marchait au milieu d'eux. Continuez la lecture. Alors, Jésus l'ayant vu toucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Attendez, comment Jésus l'a-t-il guéri? Comment? Bah, comment l'a-t-il guéri? Il lui a donné quoi? Dans le plan. Il veut que vous me dites, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait à cet homme-là pour que l'homme soit guéri? Il lui a ordonné. Donc, il a seulement suffi qu'il parle pour que la situation change. Donc, en réalité, lorsqu'on est en face du Seigneur Jésus, il faut seulement qu'il dise quelque chose. S'il dit quelque chose, dans le psaume 105, le verset 20, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole l'est guérie. Il envoya sa parole et sa parole l'est guérie. Donc, lorsque la parole sort et que ça sort de Dieu, ça produit la guérison. À plusieurs endroits de la Bible, il va rencontrer les aveugles. Ils vont dire, le fils de David, aie pitié de nous. Il va dire, amenez-les. On les amène. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Maître, je vais voir. Il dit, que cela fait selon ta foi. Dans Marc au chapitre 4, il va rencontrer un lépreux. Le lépreux va lui dire, maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus s'est tourné vers lui et dit, je le veux, sois pur. La lèpre a disparu. Jésus m'étonne. Je ne sais pas si vous étonnez aussi. Ah ouais. Jésus m'étonne. Ah ouais. Ah ouais, Jésus m'étonne. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Quelle est la relation entre je le veux et la disparition de la lèpre? On ne peut pas prouver ça scientifiquement. À l'autre, il va faire plutôt la boue avec sa salive. Ou un de celui-ci, il va te laver dans l'eau de Siloé. Ils vont aller se laver. Enfin, nous sommes dans Jean chapitre 9. Alors, c'est Jean chapitre 9. Vous avez noté ça? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, partie verset 1. Oui. Jésus dit en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oui, vous avez compris ça? Très souvent, il y a des gens qui peuvent nous arriver dans la famille, dans la prise des sorciers. Ici, les disciples ont été confrontés à la réalité. Voici un enfant qui est né aveugle. Il pose la question au Seigneur Jésus, qu'est-ce que cet enfant-ci a fait pour mériter ça? Est-ce que l'enfant-ci a péché? Il savait très bien que si Jésus dit oui, c'est l'enfant de sang parce que l'enfant naît, il a péché où? Ils sont ses parents, au moins l'accusation pourrait être sur ses parents. Parce qu'il y a des choses que les parents font, que ça peut causer des implications sur les enfants. Jésus dit pour ces cas spécifiques, ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché, mais Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que cet enfant naisse comme ça, pour que les yeux de Dieu se manifestent en lui, c'est-à-dire que Dieu exerce quelque chose en lui pour qu'on reconnaisse que son nom est grand. D'accord? Avançons. Il dit, on a des délices ici, pour que je parle d'un petit sujet avant de prier pour ce garçon. Avançons. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Et maintenant, avec notre monde scientifique, quelqu'un peut-il prouver scientifiquement s'il y a des choses? Non. Quelle est la relation entre la poussière, la salive, l'œil qui ne voit pas, le lavage et la guérison? Quelle relation? Oui, à un autre il dit va, que ce soit fait selon ta foi, la personne voit. Ici il dit de façon spécifique. Si pas c'est lavé à Bethesda, ça ne marchera pas. C'est à Siloué qu'il doit faire parce que ça a une signification. Mais là je veux que vous voyez, c'est un. Lorsque Jésus-Christ parle, les choses changent. Un. Deux, il agit comme il veut, quand il veut. Il a voulu ici que cet enfant s'y naisse aveugle. De l'autre côté, il a laissé celui-là 38 ans. Mais remarquez très bien dans ce Jean chapitre 5. Il y en avait, on a dit qu'il y avait des malades là-bas en grand nombre. Il a passé au milieu des gens, allait trouver celui-là pendant qu'il causait les malades du côté. La Bible dit que là, quand, après avoir guéri celui-là, après lui avoir dit dans Jean chapitre 5, prends ton lit et marche, il s'est tourné, il a disparu au milieu de la foule. C'est la seule personne qui l'a guéri là-bas. C'est la seule personne qui l'a guéri là-bas. Donc il est venu spécifiquement pour celui-ci. Là, dans ces Jean chapitre 9, on dit que Jésus-Christ passait par là. C'est comme s'il passait sa route seulement pour rencontrer l'action. Mais comme Dieu avait voulu que celui-ci soit aveugle, le moment viendrait où il doit le guérir. Et Jésus vient vers lui. C'est pas lui qui allait chercher Jésus. Jésus qui est venu vers lui. Donc il passe comme s'il passait seulement sa route avant de rencontrer celui-là. Ce n'est pas un fait de hasard qui se retrouve face à face avec celui-là. Il vient pour retrouver tout ce dont il a programmé pour la guérison. Il arrive ici, guérir, hein, il avance. Un jour, il est passé, il a vu un homme, on dit, la femme de Naïm. Elle n'avait qu'un seul fils. Et ce fils-là, la mort l'avait frappé. Il a traversé la route. Toute la population du village était là, pleurant derrière le cercueil. On a amené ce jeune homme pour aller l'enterrer. C'était son dernier demeure. Tout ce que les hommes peuvent faire, c'est aller donner 2 mètres sur terre. Jésus-Christ a passé par là, il a vu cette femme, il a eu compassion, il a touché le cercueil, il dit, jeune homme, lève-toi. Donc, jusqu'au niveau où on devait l'enterrer, c'est là qu'il est venu le retrouver. Pourquoi? Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il a remis le jeune homme à sa maman, que toi, parce qu'il prend ta consolation. Mais le problème, c'est que, à ce Jérusalem, à ce pays-là, en Israël, pendant qu'il a dit de guérir quelqu'un ici, quelqu'un doit l'enlever de mourir de la même maladie. Pendant qu'il a dérouté celui-ci, dans un autre cimetière, on a enterré quelqu'un. Il suffit qu'il reste sur place, il dit que tous les morts ressuscitent vous. Les morts ressuscitent. Mais pourquoi il choisit de façon spécifique de laisser même son propre ami appeler Lazare? Il avait son ami, il mange ensemble, l'ami le palu attrape Lazare, il est guéri quoi. Il le laisse avec dit que ça te traite bien, hein, et s'avance. Il va, il s'éloigne. On vient lui dire que Lazare, ton ami, est malade, que le palais veut le tuer. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Il faut qu'il même qu'il dorme. Et dormir là, ça veut dire mourir. Après, on dit, non, ok, Lazare, notre ami dort, je m'en vais le réveiller. Pourquoi il a attendu que cette maladie le conduise jusqu'à la mort? Et là, le plus grave, c'est qu'on appelle Lazare son ami. Donc, il laisse même son propre ami mourir pour montrer sa gloire. Et puis il vient au tombeau, il dit, où l'avez-vous mis? On dit que c'est là-bas, il sent déjà son ami ça. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Que Dieu te fera. Et même Lazare va ressusciter au jour de la résurrection. Il dit, non, c'est parce que je dis, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit à moi ne verra jamais la mort. Puis c'est tout, il dit, crois-tu cela? Je suis que c'est là, dit que, c'est pas de quoi il parle là maintenant. Mais qu'elle croit, qu'elle ne croit pas, Lazare devait te ressusciter. Je veux que vous compreniez que le Seigneur fait comme il veut, quand il veut. Il permet comme il veut, selon son dessein. La Bible déclare dans ce livre de Job là que quand il agit, qui oserait lui dire pourquoi agit-il de la sorte? Il agit selon le conseil de sa volonté. On avance. Lecture. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Bonne question. Parce que c'est clair que personne ne peut avoir les yeux fermés ici, donc ça se s'ouvre. Donc ce mendiant dit, non, c'est celui qui lui ressemble, c'est moi. Parce que ce n'est pas normal, sur le plan humain, que quelqu'un soit aveugle, de naissance surtout. Parce que médicalement, tu peux avoir des problèmes, ils n'ont pas fait l'opération, tu essaies de voir parce que tu as d'abord vu. Celui-ci, il est né du ventre, il n'a jamais vu. Il ne connaît pas ce qu'on appelle lumière, fleur. Il entend l'eau, il n'a jamais vu l'eau. Il entend maman, même sa propre mère, son propre père, il n'a jamais connu le visage. Mais il entend la voix. Imaginez quel handicap et quelle souffrance devrait être dans le cœur des pères, des papas. Imaginez quelle accusation devrait être dans le voisinage. Son père entre dans le franc-maçonnerie. Il a vendu l'œil de son enfant pour prospérer. Tu vois comment ça même vend n'importe quoi au marché, on achète. C'est pour cela qu'il a vendu l'œil de son enfant. Mais la Bible déclare, ce n'est ni son parent, ni lui. Mais ses voisins lui disent, dans ce cas, comment tu fais que tu vois? Il va expliquer. Allons-y. L'homme qu'on appelle Jésus. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Si tu poses la question comment elle a été guérie, 800 fois, elle va te répondre la même chose parce que c'est ce qui est passé. Et là, on va avancer. Continue à le dire jusqu'à ce qu'on trouve les pharisiens. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Oui. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Voilà. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Bonne question. Et continue. Une division parmi eux. Donc il y a certaines personnes qui ont cru que non, vrai Jésus de lui-même. Ça va être sorcier. On dit que non, c'est un sorcier, n'est-ce pas? C'est comme ça toujours. Mais il veut que tu dises le verset 30 et 31. Verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Mm-hmm. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Voilà. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un, le nom est fait de sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Il y a des révélations dans la Bible simples comme ça. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il faut maintenant définir ce que la Bible appelle par honorer Dieu. Ce n'est pas j'ai ton nom, Seigneur Jésus. Oh, j'ai ton nom. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il faut deux choses. Qu'est-ce que c'est que honorer Dieu? Qu'est-ce que veut dire faire sa volonté? Il dit, si ces deux conditions sont remplies, il t'exauce. Amen. Amen. Continue dans l'autre passage. Matthieu chapitre 4, verset 23. Tu peux poser une question? Oui. Honorer Dieu, Oui. Bon, fais sa volonté, je connais. Oui. Tu es sûr que tu connais, hein? J'ai pas voulu toucher ça, on va toucher ça après qu'on ait fini avec ceci. Mm-hmm. On revient sur ça dans la séance des questions et réponses, d'accord? Mm-hmm. Parce qu'on, pour qu'on puisse entrer dans l'enseignement, parce que ça seulement, ça peut faire un développement de 4-5 heures. Donc, il faut qu'on voit dans la Bible ce que lui a. Parce que si vous prenez Honoré Dieu, vous allez dans le dictionnaire, vous allez vous trouver que peut-être ça veut dire que vous vendez les gratins suisses, vous donnez souvent gratuitement. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut que Dieu lui donne sa propre décision, sa pensée à lui. Alors, on va voir cela. Parce que c'est un bon sujet. C'est un bon sujet aussi. Parce qu'on dit, c'est celui-là qui l'exauce. On peut prier, on ne reçoit pas sans savoir pourquoi. Parce qu'on a dit, c'est celui-là qui l'honore et fait sa volonté. Pas honorer ou faire sa volonté. Honorer et faire sa volonté. On dit, c'est celui-là qui l'exauce. Dans le chapitre 4 de Matthieu, verset 23-25. Jésus parcourait. Allons-y. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Vous avez vu ça? Parcourait la Galilée. Comme on a vu tout à l'heure, comment il marchait partout. Mm-hmm. Il enseignait. Après avoir enseigné, on dit qu'il opérait la guérison parmi le peuple. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Finissons avec le chapitre 16, verset 16 de Marc à 18. Marc combien? 16. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ici en Suisse et en France. Mm-hmm. Vous venez de la France, c'est ça? Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse. Mm-hmm. Oh, nous sommes au chapitre 16 de Marc. Lisez Marc, chapitre 16, verset 16 à 17, à 18. Je lis la parole de Dieu. Oh. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la Bible. Et on a la réalité, on a la Bible. Ça, c'est la vérité. Vous y croyez, vous, ce que vous lisez depuis là? Ouais, je crois. Parce qu'il y a la littérature qu'on lit comme ça. Il y a la littérature, c'est-à-dire qu'on lit. C'est pour ça que les Blancs ne peuvent pas croire à ceci. Ils lisent comme ça, ils disent que moi, ils ne peuvent pas saisir cela. C'est un livre d'histoire, il faut mettre ça dans la musique. Mais pourtant, des vérités, ils sont révélées. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, baptiser, sauvé. Je crois qu'il faut qu'on parle aussi du baptême là. Croire, baptiser et sauver. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il dit, voici donc le signe pour montrer que les gens ont cru. Pour ceux qui auront cru, quelque chose va être particulier avec eux. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages montés, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Fin de citation. Vous y croyez? Oui. Qu'elle met dans la Bible. Et quoi? Parce que j'ai été dit, rien d'être sauvé, moi. Que Dieu te bénisse. Dieu comment te bénisse. Je vais pas croire que moi-même j'ai vu ce que je n'imaginais pas que c'est sur moi. Donc tu crois ça fait comme la Bible des gens, je sais plus de neuf là. Parce que les gens nous ont dit que c'est comment? Ils disent comment? Non, mais c'est vrai. Comment tu es debout, tu n'es même plus responsable de ton corps, tu ne peux même pas manipuler. Mais pourtant, ton tu sais dans ta pensée de dire, mais qu'est-ce qui arrive? Mais tu ne peux pas manipuler. Mais je ne pouvais pas faire l'effort, je ne pouvais pas. Non, je voulais m'arrêter, mais ça ne voulait pas s'arrêter. Je ne pouvais pas. Il faut le vivre. Non, mais je sais pourquoi je dis que je veux la vidéo. Parce que comme j'ai un Thomas chez moi, il faut qu'il témoigne. Parce que là, on ne m'a pas touché. Chez les autres, encore, ils te font ça. Non, on ne m'a pas touché. J'étais seul. Et tu as senti le mouvement déjà. Moi, je ne voyais pas le ventre parce que comme c'était comme ça, j'étais figé, je ne pouvais pas bouger. J'étais figé, je ne pouvais pas bouger, donc je ne pouvais pas voir. Mais je sentais comment mon corps balançait tout seul. Et je ne pouvais pas me... Tu ressentais ce qui se baladait. Mais elle voyait le fils. Il m'a dit, appuie, c'est ça, je ne voyais pas. Ça, je ne sentais pas. Par contre, ça, je ne sentais pas. Mais je voyais mon ventre qui était quand même gonflé. Oui, ça gonflait. Un moment, même, ça s'est placé là, c'était un moment, c'était Moi, je ne pouvais pas voir, mais c'est quand Ton corps balançait. Mon corps balançait. Une façon là que j'ai dit que je peux me tenir, mais ça se balance comme si on est en train de me bouger comme ça, mais personne ne me tient. Non, mais après, moi, j'ai dit, moi, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur. Donc, on marche en route. On est pesé comme ça. On est comme ça. Ouais, habité, mais on marche en route, on se dit que non, je suis bien, c'est moi. Mais l'homme m'aime quoi même. Alors maintenant, tout à l'heure, avant qu'on ne parle, quand on a commencé à parler dans la première partie sur le songe, il dit que voici le signe de la possession. Mais en fait, quand on dit ces choses, tu dis je suis, il faut que lorsqu'on parle à la démonstration, que tu saches que quelque chose est sorti. Celle-là, quand il dit par exemple que mets ta main là-bas dans son cœur, c'est que on peut faire comme ça sort là, ça rentre dans mon cœur. Et ça, n'est-ce pas, tu avais peur? Non, j'ai pas eu peur. Parce que je savais que. Ça n'est pas arrêté. Que c'était sous contrôle. Que si ça sort, ça va entrer dans le. Non, je savais que c'était sous contrôle. Mais comme ça faisait. On ne voit pas comme ça tous les jours. juste... Alors, je pose la question. Comment je peux me tenir à distance là-bas? Je tends la main, les choses se produisent dans son corps. Sans que je ne bouge et autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre au milieu de nous. N'est-ce pas? Ça va aller d'accord? On a posé. Non, mais. Nous parle, nous parle. Ça se passe comment maintenant ton collègue de pied? Mais je te suis juste, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas faire d'efforts, je n'avais plus mon corps. Je sais que je t'ai figé parce que je savais ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas faire de. C'est comme si tu étais dans un coma, tu vois les gens, parce que moi je suis rentré dans le coma quand j'avais 15 ans. Tu entends les gens pleurer. Mais tu ne peux pas manifester, c'est comme ça que je t'ai. Mais ici, là, tu as les yeux ouverts. Mais là, tu entends ma voix parler. J'entends ta voix parler, j'entends tout ce qui se passe. Mais tu n'as pas de maîtrise. Mais j'ai pas de maîtrise, j'entends mon corps bouger, je vois comment mon corps fait. Mais je ne peux pas arrêter mon corps pour dire, écoutez, je suis forte, hein. Et pourtant, je peux dire, stop là où je suis là maintenant, ça stop. Mais là, je ne pouvais rien, je n'avais pas de contrôle sur mon corps. Et ça te balade dans tous les sens. Et à un moment, j'étais tellement fatiguée parce que ça me baladait vraiment, que je me suis mise à pleurer. J'ai dit que Seigneur. Non, mais parce qu'il y a des fois, j'ai dit, quand j'ai vu les rêves là, j'ai dit, Seigneur, ça vient de moi-même. Bêta, je meurs parce que je ne peux pas vivre comme ça, souffrir pour rien. Mais si ça vient de mes parents, Seigneur, tu, même si c'est mon père et ma mère. Tu l'es. Oui. Ah non. Je suis passé dans les armes. Ce qu'il a dit, laisse tomber. Ah non, moi je suis une fille de grâce. Dieu m'a envoyé sur terre pour faire des grandes choses. Mais je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Peut-être moi je suis parti chercher. Mais ça vient aussi dans ma famille. Je le sais. Parce que quand ça fait 3 ans que j'ai commencé les prières, il y en a qui sont morts, même ma propre mère, elle est passée. Hein. Tu les as tués? Je ne les ai pas tués. Bon, de toute façon, on va parler de cela, d'accord? Parce que quand j'ai commencé à dire à Dieu que même si ça vient de mon père et ma mère, j'ai perdu 2 tantes et ma mère. Maintenant, tu es libre. Quand tu es allé là-bas, quand tu dis, va aux toilettes là-bas, pour que tout ce qui était détaché là-bas puisse sortir. Et je n'avais pas envie de faire pipi quand je partais. Dès que je suis arrivé, je n'avais plus sorti. Le Seigneur, c'est le signe. Lorsqu'il nous a accordé le visa dans sa grâce, je savais par là qu'il nous envoie quelque part pour retrouver des gens que nous ne connaissons pas comme lui, qui lui y connaît. Vous pouvez avoir pleuré, aller chez les pasteurs, vous ébouffer de l'argent, n'importe comment. Vous devez savoir que dans tous les versets que nous avons lus là-bas, vous allez voir effectivement que nulle part Jésus n'a fait n'importe quel aucun de miracles en prenant de l'argent. Vous devez comprendre que tout ce que vous faites de Dieu, ça ne doit pas toucher l'argent parce que l'argent c'est son ennemi. L'argent c'est l'ennemi de l'onction. S'il y a l'onction quelque part, il y a l'argent qui suit, cette onction a été achetée. Ça, c'est clair. Parce qu'il a dit dans la Bible, allez guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors si vous voulez venir vers le Seigneur, il n'y a qu'une seule façon, la foi. La Bible déclare qu'il faut que ceux qui affluent du Seigneur croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous voici maintenant devant de lui. Ayant parcouru plus de 6000 km jusqu'à venir vers vous, la seule chose que nous avons maintenant, c'est ces écritures, ce que vous avez également avec vous, et notre confiance en lui, que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc c'est sa volonté que nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison. N'est-ce pas? C'est sa volonté. Et si nous savons cela, la Bible déclare, quel que soit ce que nous avons demandé, nous savons que nous, pas possédons. La Bible ne dit pas possédérons. La Bible dit nous possédons. dans le présent. La foi possède. La foi prend dans l'invisible et manifeste dans le présent. La foi prend dans l'invisible et manifeste dans le présent. La foi, ce n'est pas « je sais que j'aurai quelque chose de Dieu ». Non. La foi, c'est « je sais que je l'ai ». Même si ce n'est pas visible de mes yeux, je sais que je l'ai. Je crois que je l'ai. Amen. Amen. Que veux-tu, ma soeur? Je veux déjà compris pour la guérison de ton ami. Mm-hmm. Et moi-même, je crois que il faut qu'on me délivre. Ça, c'est clair. Parce que... je sais qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Il y a eu plusieurs hommes de Dieu. Laisse ma soeur, laisse. On va finir. On va aller de corps. Tu sais, quand tu vas à l'aéroport, il y a le scanner, non? On passe. C'est plus tard. Va le tatami là-bas. Quand c'est passé là-bas, on va prier. D'accord? On va d'abord prier pour l'enfant. Qu'est-ce que tu veux pour l'enfant? La guérison. La guérison. Parce que si le Seigneur n'intervient pas, vous allez continuer à dépenser, dépenser, dépenser, non seulement dépenser, ton cœur ne sera jamais tranquille. Parce qu'il va falloir qu'il soit... L'enfant à son âge doit être dégagé, jouer comme les autres. Et là, il ne peut pas jouer parce qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Parce qu'à l'intérieur, il faut qu'on fasse attention. Il ne doit pas être sous médication. D'accord? On va prier. On va prier. Comme tu as dit, tu veux la guérison de ton fils. Ça, c'est normalement déjà des choses que ça prend les gens qui sont anciens, de grandes personnes. Comment se fait-il que ça se trouve sur un enfant? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Le médecin, c'est depuis, depuis le ventre qu'ils avaient découvert qu'il y avait un souci. Quoi. Au niveau des... L'échographie, oui. Quand il était dans le ventre, 4 mois de grossesse. Donc on a parcouru d'hôpital en hôpital et puis d'après les échographies, c'était un enfant irrécupérable. Mmh. Arrive à 6 mois qu'il fallait faire une rupture de grossesse et j'ai refusé catégoriquement. Et je me souviens, son dossier passait à commission à Grenoble tous les mardis. Mmh. Tous les grands professeurs s'asseyaient pour étudier son cas. Voilà. Et il avait aussi le cœur. C'était, c'était compliqué. Et moi, je dis, c'était une néphrologue de Grenoble. J'ai dit, j'ai foi en Dieu. Elle a dit au cardiologue, elle dit qu'elle a foi en Dieu. Et le cardiologue me regarde et dit, j'espère que vous avez vraiment foi en Dieu. Parce que c'est pour dire ce niveau-ci là. Il faut que vous croyez dans le vrai Dieu. Et les psychologues et tout, j'ai dit, je ne veux pas de psychologue. Elle dit que vous avez dit que vous gardez vraiment votre tête encore. J'ai dit, je ne veux pas de psychologue jusqu'à... J'ai dit, ok, je vais faire plaisir à... Je veux leur faire plaisir, ils ont pris un rendez-vous, mais le rendez-vous du psychologue, j'avais accouché. C'est le psychologue qui m'appelle le jour, vous êtes où? J'ai dit, je suis désolée, j'ai accouché. Mais quand Daniel est né, c'était un beau bébé. Je disais à tout le monde, il est toujours beau. On me dit, j'ai dit, est-ce que je vous avais dit que Mathis était beau? Quand il était né, là je vous dis c'est un beau bébé, il était formidable. Non, il a toujours été formidable, je le connais depuis bébé. Hein. Et donc je m'étais accrochée à ça parce qu'à l'époque je faisais l'étude biblique sur Daniel. Mmh. C'est là où j'avais décidé, j'ai dit il va s'appeler Daniel. Même dans la fosse au lion, la fournaise, et c'est comme ça. Et j'ai cheminé. C'est un cas assez lourd, mais je m'approche. Si le Seigneur vient aujourd'hui et opère cette guérison que tu attends depuis, qu'est-ce que tu ferais? Tu penserais quoi que le ciel a quel style de regard dans ta famille? Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi, avec ma famille. Et des fois, je me dis, si ça, si c'est arrivé ce qu'il y a, c'est pour que je voie sa gloire. Amen. Amen. Je dis, Seigneur, voilà, c'est bon. Cet enfant que tu m'as donné, je te le redonne. Qui te serve et qui témoignera de son histoire pour que les âmes soient sauvées. C'est la prière. Et j'ai la foi que Daniel, il faut qu'il serve le Seigneur. Il faut, par son témoignage, il faut. Que les biches soient changées. Maintenant, venez lire que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, à la suite de l'imposition de mains, il y aura la guérison. C'est ce que le Seigneur a dit. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il n'y a pas à boire l'huile d'olive. Il n'y a pas à prendre l'eau citronnée et mélanger avec des choses pour boire. Ça peut purger quand même. Mais sauf vous faites ça n'importe quoi sur la terre avec ce monsieur des gens, je vais le mettre devant lui, ça ne résoudra jamais le problème. Mais le Seigneur dit, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Remarquons très bien que, un, il n'a pas dit le style des maladies dont les mains imposées guérit. Alors il veut seulement dire, les mains imposées sont un signe que la croyance de celui qui a les prières est connectée avec lui. Donc les mains de la personne qui est imposée ne sont pas ses mains. C'est uniquement le canal pour que le ciel puisse passer par lui pour toucher cette personne. Pour dire en réalité, vous savez, si vous voyez des films d'action, je crois que le mieux, ce serait d'expliquer avec les petites choses que vous voyez à la télévision. Quand vous voyez un agent de FBI, il allait de surveiller quelqu'un, ils ont souvent des puces. Ils passent par exemple comme ça, ils disent c'est comment. Il met la puce, cette puce-là sur son corps. Et quitte la scène. Quand il quitte la scène, il a mis celui-ci en connexion avec l'agence, là où on surveille. De telle enseigne que si celui-ci va n'importe où, il y a un satellite qui va le détecter. Partout il va le détecter. Il sera surpris que pendant qu'il est à tel endroit, on veut l'attraper. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Parce qu'on a mis la connexion avec le centre. C'est ce que marche le 16 dit. Ils imposeraient le nom aux malades, mais alors seront guéris. Pas que la personne qui impose a les guérisons. Non, ce n'est pas lui distribué. Ça n'est qu'un signe de connexion avec le haut. Pour que le haut, à partir du studio d'en haut, là où on produit les guérisons, on puisse détecter qu'on a mis la puce sur telle personne sur la terre. Sinon, comment Dieu peut rester au ciel et guérir tout le monde qui veut sur la terre? Mais pourquoi il veut qu'on impose les mains avant que la guérison vienne? Je suppose que les touches de ces mains-ci, ce sont des puces de localisation du ciel. Amen. D'accord. La preuve en est qu'il rencontre des gens dans la rue. Si vous lisez à chapitre 3, vous allez remarquer que l'apôtre Pierre avec Jean allait au temple à l'heure de la prière. Arrivé devant le temple, ils vont voir un monsieur qui était là, comme ça, depuis près de 40 ans. Il n'a jamais marché. Il a dit, regardez-nous. Écoutez cette voix. Regardez-nous. La Bible déclare qu'il se tourna vers Jean et Pierre, espérant recevoir de quelque chose. Parce que tout ce qu'il attendait des êtres humains, c'est qu'on ait pitié de lui mettre des pièces d'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Ça, c'est le premier apôtre du Seigneur Jésus. Les apôtres d'aujourd'hui disent que si tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu t'a maudit. Mais les premiers apôtres, eux, ils disaient que je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce qu'il avait. C'est le plus précieux qu'on pouvait donner à ce monsieur-là. La Bible déclare que malgré qu'il ait dit cela, l'homme se tournant, revenant, il se posait la question, qu'est-ce que ce jeune raconte? Comment je peux me lever pour marcher alors que ça fait 40 ans que je suis comme ça? La Bible déclare que Léon, les pieds tendus de la main, Léon prit par la main, il se levait et ses pieds devaient faire. À partir de cet instant, la Bible déclare qu'il entra avec eux dans la synagogue, chantant et marchant, louant Dieu, glorifiant Dieu. Ça a rassemblé toute la foule instantanément. Le culte s'est tourné autour de cet événement. 5000 personnes ont été sauvées. C'est la grâce de Dieu au milieu des hommes. Quand Dieu exerce ce genre de miracle au milieu des hommes, c'est pour confondre les gens. Sa guérison peut amener la croyance des médecins sceptiques et athées. Parce que pour les gens qui ont les dossiers médicaux depuis sa naissance, de faire un test, un de 16 jours, et voir que tout a disparu, ou non, on doit te poser la question là où tu allais entrer, si c'est dans le voodoo que vous êtes entré. Ma tante a eu ça. Elle avait le diabète, on avait déjà 6 mois de vivre. Oui. Puis elle est partie dans les prières. Oui. Même. Parce que sa mère est décédée de diabète, on l'avait amputé de partout après elle est décédée. Mmh. Et ses frères disaient souvent que la maison qui est à bas de Rubon, mmh. c'est pour nous. On discutait, c'est bien, elle était sur le lieu d'hôtel, la sorcellerie. La femme, ma tante, là, elle est restée comme ça. Elle n'a qu'une fille unique, Coco. Mmh. Elle a rentré dans la prière, elle a commencé à prier. Quand elle est partie chez son médecin, elle mange le chocolat, elle peut manger le sucre plus que tout le monde. Elle est partie chez son médecin, le médecin dit que le diabète est parti où? Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Quelqu'un qu'on avait donné 6 mois pour vivre. Elle est dans un bon point. Elle mange le chocolat. Tu vois, là, elle a toujours des sachets de chocolat et de biscuits. Tout ce qui est sûr. Donc, elle allait récupérer tout le temps, toutes les années qu'elle n'a pas mangé. Ça me... Alors... Et elle mange, elle part chez le médecin. Le médecin dit que oh, c'est comme si ton corps, le diabète n'est jamais. Elle n'a jamais touché ton corps. Moi, je ne peux pas faire que je ne loue pas Dieu parce que moi, j'ai trop vu les miracles, surtout dans ma propre famille même. Mais d'abord, tu as expérimenté. Et moi-même, j'ai expérimenté parce que là. Le diable ne peut plus vivre. Amenez mon ami, je prie pour mon ami et on avance. C'est 27 nuits quand je dors, mais je savais pas, c'est vrai que je ne savais pas que je voulais avoir la délivrance. Je me disais, j'ai justement dit Seigneur, je suis fatigué. Je suis, et ça fait depuis 3 semaines, j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Je n'ai que toi, tu es mon devant et mon derrière. Tu sais que j'ai refusé tout. Tu songes de quelles erreurs. Si je mentais, tu devais voir dans mon cœur. C'est ici que tu viens. Je suis fatigué. Je ne m'attendais même pas à ça. Oh non, je suis trop. Le Seigneur t'aime, n'est-ce pas? Ah oui, il m'aime beaucoup. D'ailleurs, une femme m'a dit ça dans le bus avant-hier. Je marchais, elle me dit. Elle sortait du bus, elle me dit, le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie ce jour-ci. Amen. Une femme m'a dit ça dans le bus. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Dans ta vie ce jour-ci. Elle sortait du bus, elle me l'a dit. Il vient de la comprendre, n'est-ce pas? Oui, mon ami. Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie ce jour-ci, ma fille. Je dis, yes. Quand on a fini de faire le témoignage, comment le Seigneur m'a déjà parlé, c'est à Genève même. Deux fois. Amen. Bienvenue, mon cher, bienvenue. Non, il est merveilleux, il ne faut pas me regarder, je suis trop content. Donc vous êtes arrivé à l'instant où elle est venue d'être délivrée. Parce que je raconte mon histoire, je balance. On n'a pas entendu les cris là-bas. Non, peut-être c'est pas. J'ai crié. Non, je dis les parce que moi, j'étais figé, à part mon corps que je sentais, le reste, je ne sentais rien, qui balançait. Lorsqu'on aura prié pour Daniel, on va passer à ton tour. C'est ça, non? C'est pour vous que je suis venu en Europe, pour les retrouver. Daniel, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. D'accord? Tu l'aimes aussi? Tu vas le servir, n'est-ce pas? C'est lui qui a voulu que tu viennes dans le monde, n'est-ce pas? Voilà. Alors il m'a envoyé vers toi pour te rencontrer afin que tu recouvres la guérison, d'accord? Quand tu vas guérir, qu'est-ce que tu vas faire alors? Ça va toi? Tu veux que Daniel guérisse pour toujours afin que vous jouez maintenant bien dur, n'est-ce pas? Vous faites le désordre dans la maison, vous saccagez les chaises, d'accord? Alors venez donc vous tous afin qu'on remercie le Seigneur pour la guérison de Daniel. J'ai oublié mon four. Eh bien, dans ce cas, je vais te donner. Ah, ouais. L'enseignement dit là. Moi, je n'ai pas jamais prié Dieu sans foulard. C'est déjà. C'est inné. C'est inné. C'est un truc que je ne rigole pas avec. Je peux tout oublier. Si j'oublie le foulard, même si je commence, voilà pourquoi dans mon sac à main, il y a toujours le foulard dedans. Voilà. Parce que je ne sais pas là où ça va m'arriver de prier. Sister Ma. Can you people come let us pray now? Can you come here? Come on, let us pray. We're gonna praise the Lord for the healing of our brother Jordan of Daniel. Il dit, remarquez bien ce qu'il dit. Il dit, nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa guérison. Amen. Déjà pour qu'il soit à cet âge, c'est la grâce, c'est sa grâce. D'accord? Ok. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes hauts faits dans la vie de cette famille. Tu as dit dans ta parole que les yeux de l'Éternel sont partout la terre pour chercher ceux dont le cœur est tout entier à lui, à toi. Merci Père de gloire pour tes yeux qui sont rivés, oh Dieu de gloire, sur cette maison, sur cette famille. Dieu de gloire, merci pour la guérison. Parce que nous croyons que tu nous as exaucés pour la guérison de Daniel. Amen. Merci Père de gloire. Seigneur Dieu de gloire, cet acte de formalité que tu nous as demandé de faire, je le fais en ton nom. Maintenant pour la guérison de ton fils Daniel, afin que tes œuvres s'accomplissent dans sa vie et que tous ceux qui le connaissaient, oh Dieu de gloire, non seulement regardent en lui toi, mais qu'ils voient que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le commence encore. Afin que vous ne voyez rien en moi. Je ne suis absolument rien. Je suis exactement comme vous. Mais c'est ce que j'essaie de faire, c'est que la Bible me donne le droit de faire ce que je vous ai demandé. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas que j'ai la guérison intrinsèque en moi-même, mais que je connais le Dieu qui guérit. Je connais le Dieu qui opère. C'est celui dont il est question ici. Et c'est lui qui a manifesté la puissance pour délivrer ses signes dedans. Donc je m'avance maintenant, je ne sais pas pour lui imposer les mains en son nom. D'accord? Sois guéri, jeune enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la guérison gemme dans ton corps et que tout ton système soit restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que désormais, à partir d'aujourd'hui, que les œuvres de Dieu prennent effet dans ta vie et que tu sois connecté dans le ciel et sur la terre. Amen. Et que Jésus-Christ se glorifie au travers de cette infirmité. Amen. Satan, je te défie maintenant dans la vie de ces jeunes garçons au nom de Jésus-Christ. L'heure est arrivée où tu arrêtes ta course dans sa vie. Je t'ordonne de quitter de sa vie, de son sang, de son système, de ses organes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Allez jouer maintenant. Allez jouer. Marchez dans la foi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, on va prier. L'une des choses, lorsqu'on prie, c'est de savoir quelle est la cause. De la chose. D'accord? Ils ont été regardés à l'âge de. Ça, c'est 7 ans. Allez, je vais bébé. Je crois qu'il faut lui mettre quelque chose là. Il y a une alerte à l'âge de 7 ans par un cauchemar. Sinon, on va finir par dire ces choses et puis je vais prier. Donc, quelque chose est arrivé dans ta vie. Comment vous faites l'étude biblique et puis ces choses ne sont pas détectées? Quelque chose est arrivé dans la vie, ça c'est dans le songe. Et que ça a amené le réveil du sommeil. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça c'est un cauchemar. Et ça a réveillé. Normalement c'est quelque chose qui est inscrit, qui doit être inscrit dans ton esprit au point où... C'est quoi mon frère? Non, ça va. C'est quoi? Quand je parle ici, vous faites le conversation sur moi là-bas. Non. Ok. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Le lieu où vous habitiez était hanté. Elle regarde là-bas, elle dit, qu'est-ce qu'elle a raconté? Tu comprends ce que je l'ai dit, ma chère? À l'âge de... J'ai bien spécifié, 7 ans. À l'âge de 7 ans. Oui. Donc, il y a les êtres qui marchaient dans la maison. Tu savais cela? Non. Donc en réalité, tu portes ceci depuis. Et en réalité, ce que tu as regardé, tu portes ça depuis. Ou bien on challenge ça maintenant. Tu sais, cet homme qui a quelque chose qui ne va pas, non? Tu veux que ça s'arrête aujourd'hui? La grâce est donnée que ça s'arrête aujourd'hui. Amen. C'est un ton homme du bon. Bon, qui parmi vous ici sait que elle même croit? Parmi vous, qui croit aussi ici? Moi, je crois. Tu crois? Oui, je crois. Toi aussi, tu crois. Donc, on va commencer par cet homme ici là-dedans. Là, vous voyez là la grosse Bible comme le pasteur. Ah oui. Donc il faut que ce soit lui qui s'avance. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Il va s'avancer et il va prier au nom de Jésus. Parce que tout à l'heure, c'est toi qui as lu. En mon nom, ils chasseront des démons. Donc c'est vraiment dit qu'il va chasser ce qui est écrit. Ce qui est... Et tu peux chasser les t'inquiète. Tu vas chasser. Parce que je ne serai pas ici chaque fois à Genève. Après mon jour inspiré, je vais partir pour la France et puis le Pays-Bas et puis l'Allemagne. Et puis je serai parti au Cameroun. Donc il va falloir que s'il y a n'importe quoi par derrière, vous challengez parce que la Bible que j'ai ici, parce que ma Bible, vous savez, il n'y a pas quoi que ce soit d'autre en dehors d'islam. Il va falloir que vous expérimentez ce que Dieu appelle ces choses-là maintenant. Allons-y, avançons, viens. tourne-toi là, tu regardes. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui va prier. Donc, salue-moi, ne t'inquiète pas, d'accord? Oui. Ton portable ne doit pas sonner, n'est-ce pas? Oui. Il faut enlever. Tu ne fermes pas les yeux, donc tiens-toi la main de vous, tiens-toi, voilà, tiens-toi là, tends seulement la main. Ne crains pas, d'accord? Tends seulement la main sur elle. Et tu dis, je te commande, toi, esprit qui manipule cette dame, de quitter d'être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tends la main. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je tends ma main vers ta fille maintenant. Que tout esprit éternel Dieu Père, tout esprit impur qui manipule la vie de cette femme, je ordonne à cet esprit de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci papa. Amen. Il attend la main au niveau de son ventre. Tends la main. Il veut que tu fasses exactement ce qu'il veut demander, d'accord? Oui. Dis-toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Qui habite ce corps depuis. Qui habite ce corps depuis. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Encore. Toi, esprit impur. Qui habite ce corps depuis longtemps. Je te commande de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Encore. Toi, esprit impur. Toi qui as habité le corps de cette femme depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Encore. Toi, esprit impur, toi qui as habité ce corps depuis si longtemps, je te commande de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus. Continue, continue. Toi, esprit impur. Chaque parole que tu amènes, que tu envoies au nom de Jésus-Christ, ça bouscule. Allons-y. Toi, esprit impur. Toi qui as habité ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur. Toi qui as habité ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom de Jésus. Toi, esprit impur. Toi qui as habité ce corps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Continue, continue. Toi, esprit impur. Toi qui as habité ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur. Toi qui as habité ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom de Jésus. Toi, esprit impur. Toi qui as habité ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, toi qui habites ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, toi qui habites ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, toi qui habites ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, toi qui habites ce corps depuis longtemps, je te commande maintenant de sortir. De sortir, de sortir, de sortir au nom puissant de Jésus. Sors! Allons-y, maintenant c'est sors! Sors! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus! Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Et te commande de sortir au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Dis, vomis-moi toutes tes substances. Vomis-moi toutes tes substances. Vomis-moi toutes tes substances. Vomis-moi toutes tes substances. Vomis maintenant toutes tes substances. Vomis maintenant toutes tes substances. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes tes substances. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes tes substances. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes tes substances. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances. Toutes ces substances. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances. Toutes ces substances au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vomis maintenant toutes ces substances. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Toi, puissant des ténèbres, nous marchons contre toi maintenant avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous te commandons de sortir de cette femme maintenant et de la laisser libre maintenant. Au nom de Jésus. Lâche-la! Lâche-la! Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ton lieu de résidence. Tu n'as pas le droit d'habiter son corps. Maintenant, sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Lâche-la! Au nom puissant de Jésus. Tu sors dès maintenant. Tu sors dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Observez maintenant ce qui va se passer. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Allez, sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, vas-y! C'est terminé! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Allez! Sors! Toi, esprit un peu. Allez! Les enfants ne viennent pas ici. Lâche-la! Allez, vomis-moi toutes tes substances que tu as mis dans ce corps. Tout! Tout! Lâche-la. Sors tous tes poisons. Sors tous tes poisons. Vous voyez ça? Regardez. Sors! Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Au nom puissant de Jésus. Si on ne s'efforce pas que ça sorte de son corps, tout ça qu'on voyait là, elle va tourner en rond, elle va plier un peu, n'importe comment. Ça va. Après ça, elle va sentir comme elle est légère. Parce que ce poids, si c'est longtemps là. Allez, sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! Sors! Vomis-moi toutes tes substances. Tout. Au nom puissant de Jésus. Tout! Rien ne doit rester. Allez, je te t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton corps, toute puissance des ténèbres qui habite quelque chose que ce soit dans ton corps, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors et s'en va maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez. Tout. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La tourmente, tu sors. Vous avez assez traversé son corps tout au long des années. Mais maintenant, aujourd'hui, a eu sa délivrance totale. Allez, sors! Sors! Il y a tout, aucune substance de vous ne restera. Sors! Sors! Je crois que c'est mieux que je mette le feu dans son corps. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Allez, allez, allez! Tout! Tout! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Allez! Allez, c'est ta fin! C'est ta fin! C'est ta fin! Allez! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est l'esprit d'une vieille personne comme ça. Ça, c'est l'esprit d'une vieille personne. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne peux plus habiter cette terre. Tu es démasqué. Vieille sorcière. Tu voulais détruire sa vie. Tu voulais détruire sa vie. Maintenant, sors. Allez, sors. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Elle a refusé la semence de la sorcellerie. Elle a choisi le Seigneur Jésus de Nazareth. Vous n'avez plus le droit d'homme d'utiliser son corps. Par le nom de Jésus de Nazareth, je te commande de sortir. Allez! Allez! Allez! Allez, allez, t'es terminé, t'es terminé. C'est terminé. Votre association et votre façon de faire dans sa vie est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, elle va vivre la liberté qu'elle a en Christ. Allez, sors. Au nom de Jésus Nazareth. Jésus de Nazareth. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment on peut porter ces quelque chose ce soir? On voit dans la Bible chaque jour, chaque fois, chaque fois. Dans ce cas, vous priez en comment? Vous priez quoi? Ça ne peut pas marcher. Il faut la délivrance. Sors de cette femme maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Toi, esprit des ténèbres. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne lui feras plus du mal. Ni à elle, ni à sa famille. Et tu ne toucheras plus à aucune chose qui lui appartenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? L'autre ici est vraiment fâché. Toi qui es-tu? Ça c'est un autre. Oui. Ça c'est un autre ici. Toi qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors de son ventre. Sors de son ventre. Est-ce qu'il y en a encore? Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Tout tes blocages. Toutes tes semences que tu as mis dans son ventre, je les anéantis maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Tu sors totalement. Tout ce que tu as mis. Tout ce que tu as mis. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout doit sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Allez. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ainsi a décrété le Seigneur, c'est ta fin. Amen, amen, amen, amen, amen. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Qu'est-ce que tu veux faire dans sa vie? Détruire, hein? Détruire, hein? Tu ne peux pas la détruire. Elle appartient au Seigneur Jésus. Amen. Tu ne pourras plus la détruire. Amen. Aujourd'hui, amen, amen, aujourd'hui amen. A lieu la fin de ton décret. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la maintenant. Puissance des ténèbres. Toi, tu es un esprit de sorcellerie. Oui, tu es un esprit de sorcellerie. Qui t'a envoyé dans son corps? Qui t'a envoyé? Allez, sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Sors! Sors! Jésus te veut hors! Sors! Sors! Maintenant! Maintenant! Au nom de Jésus! Maintenant! Sors! Sors! Allez, allez, allez, allez, allez, toi aussi, sors! Sors! Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. sinon on arrête. Allez, lâche-la. Lâche-la. Vous voyez ça? Oui. Allez, c'est terminé, c'est terminé. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. C'est ta fin aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est ta fin aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Sors d'elle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sors d'elle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Sors d'elle. Au nom puissant de Jésus. Sors d'elle. Au nom puissant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Allez, lâche-la. Lâche-la. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Allez. Allez. Sors. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Sors. Allez, terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Au nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Allez, allez, allez. Sors maintenant. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Allez, allez, sors. Au nom puissant de Jésus. T'es terminé. Tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tu la lâches maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors toutes tes substances, tout ce que tu as mis dans tes entrailles. Au nom de Jésus. Pour la maintenir à toi. Elle ne vous appartient plus. Allez, allez, allez. Allez, lâche, lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Maintenant, sors. Remets-moi tout, allez. Allez, allez, allez. Tout. Remets tout. Remets tout. C'est terminé. Tout. J'ai bien dit tout. Allez. Tout. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle rentre libre aujourd'hui. Amen. Amen. Tu as perdu la bataille. Tu as perdu la bataille. Parce que Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Maintenant tu sors. Tu sors. Ça c'est le dernier. Ça c'est le dernier. Allez. Allez. Tu ne manipuleras plus sa vie. Sors. Sors. Sors. Nazareth. C'est terminé. Allez, c'est terminé. Ainsi parle le Seigneur. C'est terminé. C'est terminé. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Ça, c'est le dernier. C'est le dernier. Ça, c'est le dernier. L'autre esprit, si son rôle, c'était de la vieillir rapidement. Pour que le processus de vieillissement soit rapide dans sa vie. C'est cet esprit qui est cause. Vous voyez ça? Lâche-la maintenant! Sors! Vieille créature. Vieille créature. Esprit impur. Sors! Sors! Sors! Allez! Sors! Sors! Ils mettent les maladies. Ils mettent les maladies, les boubouilles. Tu souffres pour rien, tu tournes en rond. Allez! Sors! Regarde, regarde ça, regarde. Tout ce qu'il fait maintenant, le mouvement, ça va parcourir tout son corps. Tout son corps, regarde. Nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, c'est terminé pour toi. Allez, allez, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Allez. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Non, non, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas le choix que de te soumettre. Le nom de Jésus est au-dessus de vous. Il est écrit à la mention de ce nom-là, tout genou fléchi. Allez, vous sortez. Allez. Allez. Allez. Allez, sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Comment on peut souffrir comme ça? Peut-être tant de personnes devant dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Dieu est sacré. Tu crois que tu es quelqu'un dont tu es vraiment mort. Assez voyez, Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Regarde comment j'étais juste. Quand quelqu'un me voit en route, il va se dire que celle-là, même. C'est tout, là, tout le ciel est même tombé sur elle, tellement elle est bien. Ça, je suis en train de souffrir. Mais tout cela, c'est parti. Sors! Cette femme, c'est une dame qui souffre de votre esprit. Allez, allez, allez. Allez. Mettre les chansons de Dieu, qu'elle va commencer à danser. Elle a dit qu'elle a trouvé la vie. Elle a dit que Jésus. Nom de Jésus Nazareth. À Jésus-Christ. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Oui. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Les autres sont partis. Il est obligé de sortir. Allez, sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Sors. Sors. Sors. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Maintenant. Terminé. Terminé. Terminé. Lâche ça. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Tu es le dernier. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Sors. Sors. Sors. Sors. Non, dis juste que Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, sors maintenant. Sors. Tu as assez duré dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de sortir. Sors. Sors. Order! Ordel. Ordel. Ordel. Ordel. Ordel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Oui. Terminé. Terminé. Allez. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin, hein? Ton emprise est brisée dans sa vie. Ton emprise est brisée dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tes plans sont annulés dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tu ne toucheras même plus son corps, encore moins son foyer, encore Amen. Moins sa vie. Au nom puissant de Jésus. Terminé. Terminé. Au nom puissant de Jésus. Terminé. Amen. C'est terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé, terminé, terminé. Terminé. Terminé. Notre sœur vivra la pleine vie de la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu ne feras plus obstacle à ses prières. Amen. Amen, amen, amen, amen. Quand j'ai prié là tous les jours, Seigneur Jésus, donc quelqu'un a dû me bloquer mes prières. Aïe, Martha. Si j'ai appelé mon Christ. Mais Dieu. Oui, ma soeur, comme ça. Allez, allez, on y va. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazareth. Avec celle-là, les choses sur elle. Elle, même si elle prépare la nourriture, elle mange un peu, elle est rassasiée. Et ça va faire l'état enceinte qu'elle ne peut plus avoir l'appétit. Allez. c'est l'évangéline. Mm-hmm. Là, là, là, comme ça. Oui, oui, c'est mm-hmm. l'évangéline. C'est pas une personne que je vais vu. C'est terrible. Sors! Comment des vieilles personnes se sont frappées quand ma mère est décédée? J'étais vieille, hein. Je peux vous montrer mes photos. C'est quand j'ai commencé à payer là que c'est revenu. Hein. Comment quelqu'un qui. Ouais, je vieille... regardais comme ça, je ne me reconnaissais pas. Hein. Nom de Jésus-Christ Nazareth! C'est terrible. Nom de Jésus-Christ Nazareth! Hey! Le problème, c'est que vous marchez comme ça avec des vieilles personnes. Hey! C'est que je ne fais que crier aujourd'hui. Hey, si j'écris pour rien, j'écris. Non, voyez-moi. Salut, personnel. Dieu me pardonne, mais je vais écrire. Je prends d'abord à moi-même. Hey! Dieu de la terre, mais non, à Kala, qui j'aime, ma mère. Alors, quand vous lisez dans la Bible, dans ces Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 13, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le monde. Moi, il m'a délivré aujourd'hui. Yeah. Ha. Moi, j'étais comme ça. Rendez je ne peux même plus faire ça maintenant. Non, mais je ne peux pas. Mais mon corps était comme ça, m'a mis l'électricité. Non, mais je ne pas sentais, mais je ne pouvais rien faire. Comment pas voir comme ça. Non, mais je suis Nazareth. Comment elle est là? Elle est en train. Elle comprend tout ce que c'est. Non, mais je suis Nazareth. Elle est en train. Non, mais je suis Nazareth. Non, mais je suis Nazareth. Non, mais je suis Nazareth. Tout mon ventre a été devenu comme ça. Moi, j'ai pas de ventre. Non, mais je suis Nazareth. Comment je fais ça? Non, mais je suis Nazareth. Écoutez, quand on prie comme ça, dès que c'est enregistré, sous cette même conscience, si quelqu'un écoute en priant de la même façon, il reçoit la même guérison, la même délivrance. Ceux qui sont possédés, ils sont sous l'influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute dans cette voix. Ah, voilà pourquoi j'avais un boulot, je suis parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que j'ai fait pipi, je suis bien. J'ai mal au dos, je suis parti. Vous voyez ça? Maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Quand la Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin, quand elle connaît, c'est elle qui sent ce qui était dans son corps. Au nom de Jésus Nazareth. Oui, tout ce qui est sous l'influence de cette prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était dans vos vies, qui était attaché, connecté à un esprit de ténèbres, je commande que ça soit coupé maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est terminé. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Amen. Sois libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Bonne arrivée à Genève. On est encore ça. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée, bonne soirée. Non, laisse là. Avance, tu peux avancer, c'est ça. Dans quelques, d'ici 3 ou 4 jours, elle va expulser lui-même les choses. Donc son corps va progresser au point où ce sera anormal même pour elle. Le Seigneur est bien. On peut t'asservir. Le Seigneur est elle, n'est-ce pas? Thank you. Nazareth. Non, mais je suis Nazareth. Lorsque vous rencontrez n'importe quel chrétien qui fait la vie de demander de chercher la délivrance, que cherche Dieu seulement, cherche la délivrance en Jésus-Christ, la vraie délivrance. Allez donner les offrandes, chanter, faire n'importe quoi, ça ne changera rien. Il faut que l'esprit soit ôté du corps. Si les esprits sont ôtés du corps, la personne va vivre la vie chrétienne. C'est en cela qu'on va aller de lieu en lieu, de culte en lieu, de culte. Telle personne arrive, on va. Telle personne arrive, on se déplace, mais rien ne change. Avec ça, vous chantez le Lord, vous chantez ensemble. Vous méditez ensemble. Vous jeûnez ensemble. Vous lisez la Bible ensemble. Il faut qu'il soit expulsé. En lisant la Bible, en allant dans les retraites spirituelles, ça ne fait rien contre Satan. Il faut que la puissance du Saint-Esprit le confronte. Étudiez la Bible à l'école biblique. On vous donne la mention très bien. C'est même ces esprits qui vous favorisent pour que vous connaissiez bien cela. Donc ça ne les fait absolument rien. Ce qui peut les déranger, c'est la puissance de la sainteté. Ils n'aiment pas la sainteté. n'aime pas le Saint-Esprit. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les conventions où le pasteur a 3 heures pour faire son show est parti. Vous finissez, on vous demande des offrandes. Ceux qui ont les enveloppes, vous donnez. Oui, oui. Vous aurez dépensé plus de 15 euros pour vous déplacer, pour les logements. Vous donnez les offrandes, vous pensez qu'on achète chez Dieu, on n'achète pas chez Dieu. Ça, il faut prendre du temps pour cela. Si quelqu'un n'a pas compassion, derrière, il ne veut pas travailler, c'est le travail ici. Vous voyez cela? Le Seigneur Jésus-Christ l'aide. Voilà pourquoi il nous a envoyé ici. C'est terrible. Le scanner, on voit s'il y a quelque chose. Tu sais comment on passe le scanner? Tu passes le scanner, tu vois. Tu peux passer le scanner, tu sens quelque chose. Elle s'est fait ici quelque part. Toi, mais viens passer le scanner. Tu sens quelque chose? Tu sais comment on passe le scanner, non? Donne-lui le verre d'eau, la mine, et voilà. Tout à l'heure, quand on commençait, je sentais le match. Donc, tu sentais un. Merci. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Les démons se couchent devant lui. Il est le tout puissant. Les marabouts s'agenouillent devant lui. Il est le tout puissant. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Les maladies se courbent devant lui. Il est le tout puissant. Le cache se courbe devant lui. Il est le tout puissant. Même Satan se couche devant lui. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les maladies s'agenouillent devant lui. Il est le roi des rois. Amen. Amen. Tu es libre, ma soeur. Va essayer Dieu maintenant en esprit et en vérité. Amen. Embrassez ta soeur comme toujours. Tu as vu, j'ai appelé maman, elle est là. La vie est là. Salut, maman. Celle-là a dit qu'elle n'aura pas sa soeur. C'est bon. Je n'ai pas dit. Va, il va lire le Seigneur Jésus-Christ. Je peux avoir une serviette. Il faut que ce soit nettoyé à fond. Tu as aussi embrassé ta soeur. Vous avez embrassé. Non, je sais pas ça se fait. Je sais qu'il va mieux. Bienvenue. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maintenant, tu es libre. Tu es libre. Non, il faut t'asseoir. Laisse, on s'occupe de ça. Assieds-toi. D'accord? Assieds-toi. Repose-toi tranquillement. On va nettoyer, d'accord? Le Seigneur t'aime. Ça va continuer comme ça. Va seulement aux toilettes maintenant. Va aux toilettes. Oh Seigneur Jésus.